même si là où je vais, on ne se souvient pas. Je garderai en moi l'empreinte de tes yeux gravée au fond de moi. Je scintillerai dans le ciel. Je volerai aux quatre vents. Certains diront on ne meurt pas, on disparaît. Mais les sourires sont toujours là. Tu entendras ma voix. Même si là où je suis, l'écho n'existe pas. Tu imagineras les pierres de mon château bâties dans l'au-delà. Tu chanteras Marie Tournelle. Tu inventeras des printemps. Certains diront on ne meurt pas, on disparaît. Mais les sourires sont toujours là. Nous réglerons nos montres. Même si là où je suis, le temps ne compte pas. Nous redessinerons les contours de nos corps, mélangeant leurs ébats. Je t'emmènerai sur mes ailes. T'accrocheras tendrement. Certains diront on ne meurt pas, on disparaît. Mais les sourires sont toujours là. Je penserai à toi. Même si là où je vais, on ne se souvient pas. Je garderai en moi l'empreinte de tes yeux gravée au fond de moi. Je scintillerai dans le ciel. Je volerai aux quatre vents. Certains